Activité 7. Bonjour, ici Madame Bouquin, la directrice de la bibliothèque de Saint-Sauvin. Je vous appelle pour prendre rendez-vous cette semaine pour avoir une livraison de livres. Nous avons besoin de 15 exemplaires du dernier roman de Marc Lévy. Est-ce que vous pouvez les apporter à la bibliothèque? Autre chose, est-ce que vous pouvez me présenter vos nouveaux livres? Si vous êtes libre jeudi, je peux vous recevoir le matin à 10h30. Si ce n'est pas possible, je vous propose vendredi entre 14h et 18h. Vous pouvez m'appeler au 07 74 12 29 30. Merci.